spectacle, assise à côté de moi. Et moi, plein d'émoi, cherche à cacher ma joie. Ton pull trop large dévoile toutes tes épaules. Ce n'est pas très drôle, je vois ton soutien-gorge. Je te l'enlèverai, mais attends l'entracte s'il te plaît. Louise, tu aurais dû mettre un haut un peu plus petit. Ça m'aurait évité de devoir te regarder. Ton pull tombe tout seul et te dénude à moitié. Tu me donnes très envie, mais la pièce n'est pas finie. Je te l'enlèverai, mais attends l'entracte s'il te plaît. Je te l'enlèverai, mais attends l'entracte s'il te plaît.